Alléluia. Merci Jésus. Merci de me faire entrer dans ton sanctuaire, Seigneur Jésus. à cause de ta présence. Alléluia. À cause de ta gloire. Merci. Nous te présentons Dieu ce soir, oh Seigneur. Le banaï, merci. Merci, Jésus. Le banaï, tellement mon cœur, merci. Merci, Seigneur. Pour ceux qui n'ont été, bah, mon soutien à cause de la terre. Le banaï, merci. Merci, Seigneur. Souviens-toi de son amour pour toi. Dis merci à ton Seigneur. Merci, Seigneur. Tombe la mongongo, le banaï, mon conci, merci. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Oh, merci, mon roi. Seigneur, te dire merci est un bonheur pour moi. Seigneur, merci, te dire merci, c'est cette marque de reconnaissance. N'ayons sur mon tuyau sali pour l'engage. Pour la liberté d'engage. Pour l'amboka oyo. Oyo sala qui n'a yoko sala. Pour te bon zambé na yé monana. Pour te Afrika et toi tola et toi les alin zambé la Congo. Alléluia. Au-dessus de tout ce qui existe. Mais ta puissance se voit comme elle est nue. Pourquoi ne pas te dire merci dans les cieux, sur la terre et sur la terre. Pourquoi ne pas faire un chant d'amour. Merci d'être ici. Yambalo yemba emite manabiso nkolo. Oye ce panier de bosson a yoko tato le tezali nsambe.